Leçon 2. Verbe en ER au futur. Activité 3A. 1. Diriger. Dirigerai. 2. Aimer. Aimerai. 3. Rencontrerai. Rencontrer. 4. Manquer. Manquerai. 5. Visiter. Visiterai. 6. Chercher. Chercherai. 7. Dînerai. Dîner.